Yarmouguiz, il y a une vraie politique à mener pour améliorer les conditions de visite dans les parloirs, en prison. On l'a vu tout à l'heure avec Saskia. Il faudrait que ça change. Il faudrait peut-être que les gens s'occupent de tout ça et qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un moment, il faut agir. On peut pas laisser quoi. Oh. Quoi? Lucidité, flamboyance, saucisson d'âne. Tels sont les mots qui résonnent à mes oreilles quand je vous entends, Monsieur Guy. Je vous dis merci. Merci de dire des mots qui, par moment, mis bout à bout, en imaginant bien, font des phrases. Des phrases bancales toujours, étonnantes parfois, pertinentes jamais. Mais au-delà de ce problème de syntaxe qui révolte jusqu'au sang les nombreux professeurs de lettres à la retraite qui nous écoutent, et que je ne dis pas uniquement ça pour Leïla, au-delà de ces problèmes de syntaxe, disais-je, il semble que vous soyez atteint d'un très léger début d'Alzheimer, dans la mesure où vous avez oublié la dernière fois que je suis venu vous rendre visite à Fleury-Mérogis, où vous aviez un parloir personnalisé à votre image, un parloir sous forme de loft avec parquet, poutre apparente, point d'eau en cristal et téléphone en rubis, le minimum quoi. J'étais venu vous apporter les deux langoustes et les 400 grammes de caviar que vous m'aviez demandé pour bruncher. Je me rappelle, en arrivant, j'avais demandé au maton de voir Nagui. On m'avait dit Nagui. J'avais dit oui, mais oui, pas très grand, sympa comme tout, la pomade. Il a présenté un truc avec des brosses à dents. On m'a dit, ah, vous voulez dire El Patron? Puisqu'apparemment, tant les matons que vos co-détenus vous appelaient El Patron, en référence à Pablo Escobar. Ah oui. Pablo Escobar, dont vous avez, je le rappelle, contribué à développer la prospérité en Europe septentrionale. Avec les Balkany, ouais, on était deux sur ce coup-là. Alors là, quand je suis rentré dans vos modestes appartements du parloir de Fleury-Mérogis, j'aimerais toute ma vie, vous m'avez dit, si toutes les prisons étaient comme la mienne, on serait quand même vachement plus fier de la France. Et c'est pour ce sens de la formule, bancale toujours, étonnante parfois, pertinente jamais, qu'on peut dire qu'une fois encore, Monsieur Guy, vous avez dit N'importe quoi. Merci, la bande originale, Nagui, sur France Inter.